Depuis matin relevé, tombé fait jalousie. Et puis au tombé babillé, tant couvier sauce ici. Ou levé ou sorti, ma grande côté ou aller. C'est doué l'en voisinage, ou al ramasser tripotage. L'on retourne pita, John ou tout l'on gossa. Pas que mon qui parlait, et puis ou tombé relé. Chaudier pas jamais monté, la vie fouillé dit feu. Grand cours à bétuyé, m'sorti pas capable. Chaque 9 mois l'hôpital, non salle maternité. Ou maman c'est que tu moun, ou candidat pour 6e. Pas qu'on goûte ça pralé, plus qu'on pas vlérété. Ça sent miséricorde, moi vini fourré comme. Au gayon vieille pratique, sans machin à cassant. Acheter crédit tout le temps, et puis ou pas vle payer. Pour lui mander ou l'argent, pour voyer l'y côté. Tant qu'on va j'en bas ou, sans façon pour émerder moi. Faut que moi t'a mis d'écran, quand vous passez à l'manard. Et puis faut que moi t'a brave, plus voir passer guédé. Comme t'es capable qu'un bé, à qui une femme décloquée. Qui pas moins 5 timoun, qu'un 2 qui pas pour moi. Ou pas mon vieux beau frère, qui pas j'enflé travail. Toute la journée chita, tant qu'on l'a veillé caille. Manger pas chamassé, pour faire manger en pile. Ma chaîne a quitté ça, me senti pas capable encore. Senti pas capable encore. Senti pas foutre capable encore. Allez-y.